Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Écoutez Fadjet, il est 10h05, nous entamons la 15e heure de direct pour les 40 ans de la station. Après l'émission animée par Fred Multitube juste avant, Fred que je salue, c'est l'heure du méga Shabbat d'Alex. Chers auditrices et auditeurs de Fadjet, si vous ne connaissez pas encore le concept du Shabbat d'Alex, c'est l'occasion rêvée, puisque ce matin, cette émission rassemble toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de ma chronique musicale et parfois humoristique que vous retrouvez chaque mercredi sur Fadjet dans la matinale 94.2 service compris. Au programme jusqu'à 11h, hallucinations auditives, disques rayés, ressemblances curieuses, remixes improbables et jeux musicaux. Je suis Alex, alias le dégingandé, et j'ai l'honneur, le privilège, le bonheur, le kiff absolu de vous proposer une heure d'émission, un format inédit pour un événement exceptionnel que sont les 40 ans de Fadjet. Bonheur absolu également car je suis si bien entouré ce matin, sont réunis dans ce studio dans lequel il fait 24 degrés à l'heure où je vous parle. Les Maldives, on a. Des personnes chères à mon cœur. Pour certaines, cela fait plus de 5 ans que je n'avais pas eu la chance de les avoir à mes côtés dans les studios. Je vous les présente, mes drôles de Ziquette et drôles de Zico, à savoir Maude. Bonjour Maude. Mais salut Alex, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va? Oh, je suis fin, excité. Mais je suis tellement contente d'être ici, ça me fait un bien fou. Que de beaux souvenirs qui reviennent à notre esprit ce matin. Et puis, je pense à notre rencontre, Alex, puisque c'est bien dans ce studio, en 2018, qu'on s'est rencontrés. Et comme j'entendais les collègues de Multitube le dire tout à l'heure, eh bien, Fadjet, eh bien, c'est une famille. Oui. On est tellement contents de célébrer tous ensemble autour de cette belle table d'amis maintenant, cet anniversaire de la radio. Merci Maude, le plaisir est partagé. Bonjour Marion. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Mais génialissime, je n'ai même pas de mots. Merci Alex de nous convier ce matin pour cette matinale. Eh bien merci de t'être libérée, car à cette heure-ci, oui, si normalement t'es déjà debout. Et t'as vu qu'elle a été chez le coiffeur, hein? Oh, les 40 ans de Marianne. Et on se disait bien, il y a quelque chose de changé. Ah ouais. Je le vaux bien. Je continue mon tour de table avec Sarah. Bonjour, bonjour Sarah. Bonjour à tous. Alors moi je suis une grande habituée du Shabbat d'Alex, parce que j'ai fait partie de la matinale du mercredi que je ne laisserai pour rien au monde, juste pour le Shabbat d'Alex et nos jeux un peu farfelus. Voilà, oui. Je suis ravie d'être dans là. Lesquels il faut absolument que tu gagnes. Ça sera une grande compétition ce matin. Il faut savoir, je préviens. Faites attention. La tornade qui est à la fois une tornade ménagère, mais une tornade de jeux télé, de jeux de radio. Tout se passe bien tant que je gagne. Il y a également autour de la table le docteur Vince, alias Manu. Bonjour Manu. Hi, c'est docteur. Plaisir d'être là avec vous. Moi, je suis un des grands frustrés du Shabbat d'Alex, parce que dans la matinale du jeudi, je ne peux écouter que le Shabbat d'Alex. Eh oui. Quand j'ai ma brosse dans la bouche et je hurle, j'envoie de la mousse dans le miroir. Et ça ne marche jamais. Et donc là, je suis chaud patate depuis que tu m'as fait l'invitation. Et aussi excité que toi, je pense. Donc, j'attends ça. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas des buzzers pour appuyer comme un taré. Là. On va y travailler peut-être pour une prochaine itération de cette émission. Et bien sûr, il y a Suellen. Bonjour Suellen. Salut Suellen. Qu'est-ce que serait la radio sans la technique? Et bien sûr, c'est clair, évidemment. Suellen qui a si gentiment proposé d'assurer la technique de cette émission, car malgré mes quelques années de maison, je suis encore incapable de manipuler une table de mixage sans déclencher accidentellement 3 jingles en parallèle ou bien casser le conducteur d'une émission. Ah mais tu sais, même après quelques années. Et donc ça me fait plaisir de te retrouver, puisqu'on se côtoyait lors des matinales. Et puis bien avant encore. Et oui, oui. Oh là, dans Multitube. Dans Multitube. On s'est rencontrés en 2017, je crois. C'était en tout cas mes débuts. Les dates, je sais plus moi. C'est ma première session de radio. Je compte plus. Au bout d'un moment, on compte plus. Non, ouais, je compte plus. Eh bien, moi je note tout, absolument. Et est-ce que tu as noté combien de temps tu as mis pour préparer une heure d'émission? Moi, je sais. Oui. Moi aussi. Quelques deux personnes ans et demi. Ah non, c'est plus. Une journée complète. C'est moins. Ouais. Ça dépend ce que t'entends par une journée. Bah, non, mais de 9h. On commence déjà à jouer. De 9h à 17h avec la pause déjeuner au milieu. Et voilà. Absolument. Donc, on s'approche des 10h. C'est une bonne grosse journée. On dira bravo travail. À la fin. Est-ce que vous êtes prêts pour ce méga Shabbat d'Alex? Oui, chaud, Alex. J'ai fait mon badge. Parfait. La première chronique sera consacrée à ce que j'appelle les disques rayés, c'est-à-dire les chansons au sein desquelles les auteurs et interprètes ont trouvé pertinent de répéter plusieurs fois la même chose. Mais tout d'abord, on lance une petite pause musicale, une courte pause, le temps d'échauffer nos bassins. Et on se retrouve juste après De La Soul, en duo avec Chaka Khan et All Good. Front Weigh the situation how you want. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's inviting, so visualize the verb. You curve thought ways when you're handling the candelabra. So you're sitting on a baby grand, transmitting like you made a man. But you paint a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. And that's the truth. Écoutez Fadjet, il est 10h12 précisément. Nous sommes donc lors de la 15e heure de direct. C'est le méga Shabbat d'Alex, émission musicale et parfois humoristique. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Parmi les sujets récurrents que vous pouvez entendre chaque mercredi dans la matinale de Fadjet 94.2 service compris, il y a ce que j'appelle les disques rayés. Ce sont des chansons dont certaines paroles sont répétées, répétées et re-répétées pour s'ancrer davantage dans notre inconscient au point que cela devienne parfois comique. Je vous propose une nouvelle série de disques rayés. Êtes-vous prêts? Ah oui, ah oui. Eh bien, on démarre en douceur avec 9 petites répétitions dans la chanson La Gofa Lolita. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas quelquefois c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Golfa Lolita. Ah, je pense que c'était la Golfa Lolita. Pas sa voiture. La Golfa Lolita, non, c'est un modèle de chez Volkswagen. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Neuf fois, c'était c'est qui avant chaque refrain. On augmente d'un cran avec 14 répétitions dans la chanson Philippe de Philippe Catherine. Ah oui. Comment tu t'appelles? Philippe. Comment tu t'appelles? Celle-là, elle est longue. Hein. Philippe. Comment tu t'appelles? Philippe. Philippe. Moi, je suis une très grande fan de Philippe Catherine. Ah, t'as pas été jusqu'à la fin? Bah non, effectivement, je suis dans les mics. Qu'un petit extrait. Non, on est là jusqu'à 14h15. Peut-on faire plus? Oui, oh bah sûrement. Sans doute. Et bien sûr, passons de 14 à 23 répétitions. Wow. Pour le titre « Tout ira mieux demain » d'Hervé. Tout ira mieux demain. Et il le dit 23 fois. Tout à fait. À la suite. Oh. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Bah oui, grosse inspiration. Du coup, j'ai accéléré. Alors c'est 23, je corrige ce que je viens de dire, c'est 23 fois dans la chanson, dont 15 fois de suite. Ah oui, voilà. Quand même. Parce qu'à chaque fois que les disques tournent plus vite, soit elle va être vitesse. Elle est en train de pédaler sur la table de mixage. Donc, vive la technologie. Cette technique de répétition permet de s'auto-persuader que tout ira mieux demain, une sorte de méthode couée, oui, n'est-ce pas? Puisque mais en fait, t'entends ça, tu zappes. Ou alors, tu passes le disque en accéléré, comme ce que nous avons fait juste avant. Mais elle en dit quoi, Chaim, dans tout ça? Bonjour. Je m'appelle Chaim. Bonjour, Chaim. Quel plaisir de te retrouver dans les studios de Fadjet pour les 40 ans de la station. Je pense que tu salues Fred qui nous a rendu l'antenne juste avant. Toi aussi, Chaim, tu as cédé à la facilité de la répétition pour combler quelques vers de ton tube « On se fout de nous » en 2012. Et passe, passe, passe, passe. passe, passe, passe les jours et rien, non rien, rien change. C'est vrai que t'as vite fait de combler 15 minutes de musique. Avec, écrire une chanson, ça va Tu fais que de, tu rayes tout, enfin tu répètes tout. Elle n'était pas méchante, effectivement, c'était 6 ou 7 répétitions, mais toi, ça meuble. Toi, c'était pour être méchant avec Chaim, toi. Je pense que c'était juste ça. En fait, j'avais envie de passer Chaim, j'en connais. C'était... C'est ton émission, après, tu fais ce que tu veux. Oui, je fais, oui, je fais ce que je veux. Alors, rappel des scores, le record à battre est de 23 répétitions. Oula. Ce record est battu par le duo Brigitte, qui incitait les hommes à se battre, justement. Battez-vous, ouais. J'ai tellement besoin d'amour. Moi, je maîtrise pas, là. Ouais, génial. Maintenant, battez-vous. Maintenant, battez-vous. Ah oui, on voit les Maintenant, battez-vous. Maintenant, battez-vous. Ça fait longtemps qu'elles ont pas fait de... Elles en ont sorti un, je crois, en 2020. Je ne me souviens plus, d'ailleurs, Brigitte, le titre. C'est Brigitte, c'est deux chanteuses, un duo. Deux, à te faire, qui sont très très très fortes. D'accord. Je suis allé les voir au Zénith, moi c'était juste spectaculaire leur concert. Ah, ouais. Donc c'était il y a moins de 5 ans du coup. 2019 je dirais, ouais. Okay. J'ai eu l'occasion de les voir en 2011 à l'autre canal, c'était pour leur premier album Et vous tu m'aimes, dans lequel figure Battez-vous. Yeah. Alors, 28 fois et maintenant Battez-vous, se battre n'est pas le seul moyen de faire de l'activité physique. On peut aussi, et je vous invite à le faire, chères auditrices et auditeurs de Fadjet, à faire des ronds avec votre bassin. Et c'est Yel qui nous explique 28 fois comment faire, c'était en 2015. Je connaissais à cause des garçons, c'est elle qui avait pris ça. Ouais, je connais pas du tout. Ah non, moi non plus. Merci. Et nous là, Alex quand nous même fait Alex des ronds avec son bassin. Nous fait des ronds avec son bassin. Voilà, c'est quand même. Oula, oula, il y a la vidéo ronds, sur Facebook. Hein. Chose, oh là là là là. Yeah. Elle était au centre. Hein. Encore un rond. Combien de fois elle? 28 fois des ronds avec ton bassin, plus 31 fois des ronds. C'est sur ces répétitions que nous marquons une courte pause musicale, le temps de faire quelques ronds avec nos bassins. Et quoi de mieux, après les disques rayés, de réécouter une pépite retrouvée dans le grenier de Fadjet. Il s'agit de Rodrigo Bay avec Alegria, c'était en 1998. Si ça crépite un peu, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il s'agit d'un vinyle que votre dégingandé a numérisé dans son laboratoire musical. Juste après cette chanson, je vous partagerai quelques hallucinations auditives. A tout de suite sur Fadjet, sur la FM 94.2 ou encore en DAB+, et pour les auditeurs les plus éloignés, fadjet.net. On se retrouve après ceci. Yeah. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Ah, vous avez un CAP de truc comme ça. Absolument. Vous écoutez Fadjet, il est 10h21. Nous sommes au cœur de 40 heures de direct non-stop pour fêter les 40 ans de notre radio associative. Je suis Alex, alias le Dégingandé, et je vous invite à découvrir mon univers jusqu'à 11h. C'est le méga Shabbat d'Alex en très très bonne compagnie ce matin. Le Shabbat d'Alex est souvent associé aux hallucinations auditives. Pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas encore les hallucinations auditives, ce ne sont pas les petites voix que vous entendez à l'intérieur de vous, le soir, le matin, quand vous vous préparez. Ça va sinon. Eh bien, c'est ce genre de voix que j'entends le matin. Combien dans ta tête? Au moins autant que le nombre de chroniques ce matin. Eh bien, ces hallucinations, ce sont des paroles de chansons que vous croyez entendre, mais qui ne sont pas les paroles originales. Mmh. Elles peuvent faire comme sourire. Vianney. Bah oui. Celui-là, il est resté. Ah, alors Vianney, c'était que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Il s'avère que c'était le texte authentique. C'est peut-être ça le plus inquiétant. Tout va bien. Elles peuvent faire sourire, ou en tout cas, c'est l'objectif de celles que j'ai sélectionnées ce matin, qui sont bien sûr teintées parfois de mauvaise foi, je le reconnais, soyez-en indulgents. Ces hallucinations auront une thématique alimentaire, car quand on fête un anniversaire comme les 40 ans de Fadjet, il faut manger. On commence avec du local, le pâté lorrain, qu'Axel Red appelle également le pâté étouffé. Je ferai tout pour t'encourager. Le pâté étouffé. Qui c'est qui a parlé dessus? C'est toi qui a parlé en même temps le pâté étouffé. C'est ce que je vais dire à toi, c'est trop énorme. Bien. Énorme. Ouais, le pâté étouffé. Ouais, c'est vrai, ça marche. C'est une des toutes premières hallucinations auditives que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années grâce à Sandrine Alexis, humoriste et imitatrice. Et avec quoi accompagne-t-on le pâté lorrain en général? Un verre de blanc. Salade. Désolé, c'est un cri du cœur. Bien sûr, on l'accompagne avec de la salade verte. La salade verte, comme le chantait Abba dans leur tube Gimme, Gimme, Gimme. It's not a salad verte. Yeah, one again. Bien sûr, it's not a salad verte. Bravo, bravo, bravo. Franchement, on est saisis, hein. On est totalement saisis. Est-ce que vous prendrez un peu de salade verte? Ouais, bien sûr. Alors, pâté. Ça y est, on a perdu Marianne. Crème solaire. Alors, pâté, salade, en tant que Lorrain, nous consommons également beaucoup de pommes de terre. Et c'est Gossip qu'il évoque dans leur titre Spare Me From the Mold, ouais. Un titre moins connu issu de leur album Music for Men, en 2009. Est-ce que vous aussi, vous entendez pommes de terre? Là, il y a vraiment pas l'ombre d'un doute. Steal me from the till. Donc, il n'y a rien à voir avec un pomme mais de terre. En mais en bon français, on entend pomme de terre. On a le même niveau. On a presque. On entend pomme de terre. Il est nul ton niveau, c'est ça. On sait presque si c'est des princesses Amandine, etc. Je pense qu'on peut même deviner le modèle de pomme, la race de pomme de terre. On peut la trouver. Si on écoute comme il faut avec des analyses techniques poussées. On voit les connaisseurs quand même. Ah, attends, c'est un métier. Moi, je te dis, je pleure chez moi de ne pas pouvoir jouer. Alors là, je suis je suis tellement heureux chez moi. J'ai l'impression d'avoir Céline Dion, tu sais. Je suis tellement contente. Il n'est pas exclu que je chiale ma race. On a les mouchoirs. L'abus de pâté lorrain et de pommes de terre peut avoir un impact significatif sur le corps, et c'est Aya Nakamura qui le détecte chez son mec. Je vois en toi tous tes bourrelets, chante-t-elle dans Bobo. Pour qui tu te prends, je vois en toi tous tes bourrelets. T'as sacrément l'oreille quand même. En plus d'avoir des bourrelets, on peut avoir mal à la fesse. Et c'est Nathalie Imbruglia qui l'a souligné dans son tube Torn en 1997, à mal à la fesse. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui, un peu de mauvaise foi, je reconnais. À mal à la fesse. C'est sur ces belles paroles que nous marquons une courte pause musicale. C'est un souvenir. Attendez, non, c'était pas dans le texte de départ. Non, c'est en hommage à notre cher Fred National. Et c'est Marion qui a choisi ce titre. C'est Prendre l'air de Scheim en 2010. On se retrouve après ça. teintes. Quand plus rien ne va, on sait très bien comment ça finira. Mais qui de nous fera le premier pas? Parfois j'ai peur de nous quand on est aussi bas. Quand t'as rien, enflamme tout. Me, myself, par-dessus tout. On ne lâche pas, lâche pas, lâche pas. Y'a comme une étincelle. En 2025, Fat Jet fête ses 40 ans. Muy caliente. Je sais pas ce que j'ai dit parce que je parle pas espagnol, mais je sais que quelqu'un dit ça dans les chansons. T'as dit un truc qu'on dit pas forcément comme ça, toutes les filles, tu lui en blanc. Mais bon, j'ai fait allemand élevé, hein, mon docteur. Vous écoutez Fadjet. Muy caliente. Nous sommes le samedi 8 février, il est 10h29. Nous sommes au cœur de la 15e heure de direct non-stop. Nous sommes pour le méga Shabbat d'Alex, ensemble jusqu'à 11h, dans la bonne humeur, bien entouré. Je suis entouré, je le rappelle, de Maud, Marion, Sarah, Manu et Souhélène à la technique, sans qui cette émission ne fonctionnerait pas. Mais on peut, il est grave, Sarah. Je crois qu'on peut s'applaudir. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, le Shabbat d'Alex est une chronique que vous retrouvez chaque mercredi sur Fadjet dans la matinale 94.2 service compris. Ce matin, c'est une émission d'une heure pour célébrer cet événement exceptionnel que sont les 40 ans de notre station. Donc les portes sont ouvertes de 10h à 20h ce soir. Il est temps de jouer maintenant autour de la table. Enfin. Que vous soyez chez vous en train de préparer le repas du midi, que vous soyez sur votre lieu de travail parce que vous avez la malchance de travailler le samedi, ou bien dans les transports en commun, ou encore au volant de votre bolide qui roule vers le centre commercial avec les mômes qui braillent sur la banquette arrière. Pour faire les courses du samedi matin, toutes les occasions sont bonnes pour jouer avec votre dégingandé. Je vous propose une lecture théâtrale de paroles de chansons et vous devrez retrouver le titre et ou l'interprète. Si vous avez les deux, c'est quand même beaucoup mieux. Ce jeu est parfois vécu comme une torture cérébrale puisqu'il nécessite une gymnastique. En effet, sans la musique et sans la mélodie, retrouver une chanson est souvent difficile. Malgré ces mises en garde, êtes-vous prêts? Oui. Pour varier les plaisirs, vous allez chacun votre tour faire découvrir un titre aux autres. Comme l'intelligence artificielle générative est dans tous les médias, je vous ai donné des prompts, c'est-à-dire des consignes sur l'émotion à transmettre ou le personnage à incarner, avant de lire chacune des paroles à deviner. Bien sûr, le prompt est confidentiel, c'est pour vous permettre et vous mettre en condition, et donc surtout ne lisez pas ce qu'il y a dans l'encadré, je ne le répéterai jamais assez. On commence le tour de table et la première chanson à faire deviner par notre cher Manu, et c'est parti quand tu veux. Allez, c'est parti. Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On y va, pour déjà répondre. J'y vais ou pas? Oui, oui. Allez. C'est les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joy Jonathan. Bonne réponse. Oh là là. Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Débit d'amour instant, on se décline pourtant. Bravo, et on peut applaudir quand même. Bravo, Manu. Bravo, bravo. Quel jeu d'acteur, Manu. Écoute, c'est, je pense, splendide. Il est extraordinaire, j'adore. Donc, et ce qui m'a donné l'envie, l'idée aussi, c'est d'avoir côtoyé Manu lors de la matinale de Noël. Mon Dieu, mais quand j'entends matinale de Noël, il me revient le Patrick Sébastien. Moi, je n'ai retenu que ça. C'était gigantesque. Voilà. Et je vous promets des... demain, parce que demain matin, je serai dans la matinale. Oui. Donc, je vous fais pareil un anniversaire de star avec l'imitateur Temu. Ah, venez demain matin. C'est un excellent teasing, je te remercie, parce qu'on se retrouve effectivement. Et demain matin, c'est bien de 7h à 9h et non pas de 9h à 10h. Voilà, très bien, hein, voilà, parce que je serai arrivé un peu trop tard. Voilà. Deuxième titre à retrouver, et le deuxième titre, c'est... Ah bah oui, du coup, j'ai pas noté les numéros. C'est quelqu'un qui a la deuxième chanson, donc c'est moi. Pas moi. C'est moi. Bienvenue, Sarah. J'ai quand même écrit 10h33, j'avais pas lu. Qui se moque, Sarah? C'est à toi. Quand c'est la fête, j'en perds la tête. Et mes cigares. Je l'ai. Je voudrais. Ah non, non, non, non, non. Vas-y. Parce que moi, je le vis comme une torture. Vraiment, hein. Allez, continue jusqu'au bout. Je voudrais bien aller danser. Je voudrais monter à motocyclette. Je vais pas pouvoir continuer. Ah, c'est pas. C'est pas les avions. La bonne du curé. Oui, pas de réponse. Bravo. Bravo. Sensationnel. Elle est tout simplement habitée, Maud. Si vous pouvez regarder la vidéo sur Facebook, allez regarder parce qu'elle est un très joli bras de voix. Ouais. Un très joli super bras. Bien. Ouais. C'est une chanteuse. Elle chante. Ah, ouais. C'est ça. Avec Alex, hein, c'est tous les dimanches après-midi. C'est très joli de la journée. Non, mais c'est vrai, t'as une très jolie voix. Vraiment, voilà. Ça me fait plaisir, les amis. Donc, nous avons deux stars, nous avons un imitateur et une chanteuse. Ah, ouais. Alors, j'irais plus parier sur la chanteuse. Il y a moyen de monter un spectacle. Ah, mais carrément. Mais on l'attend. Voilà. On va échanger les numéros après. Troisième chanson, qui a la troisième chanson? C'est moi. C'est à toi. J'ai une peur bleue, je suis poursuivie par l'armée rouge. Pour toi, j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane, pardon, de mon cœur, canadaire de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, maso, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois, main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans mon cœur, mais elle n'ose dire un mot. Personne n'a trouvé, j'adore. Ah ouais. Attends, je savais pas trouver non plus. C'est parfait. C'est pas Maître Gims ? C'est un rappeur, mais ça n'est pas Maître Gims. Alors attends, c'est un rappeur français, oui, c'est sûr. De 91. Macassador ? MC Solar ? Non, c'est pas ça. MC Solar, j'ai entendu. Ah, c'est Caroline. Tant que je me trompe pas de. Je suis l'as de trèfle, les piques ton cœur. Ah mais oui, t'as pas mis l'as ça, l'as de trèfle, les piques ton cœur. C'est le plus facile. L'as de trèfle, les piques ton cœur. Caroline. J'adore, tu l'as super bien interprétée. Bravo, bravo, et bravo. Et je voyais Marion qui brûlait intérieurement. Oui, je la connais, elle continuait les paroles. Alors qu'elle a la phrase du tube Caroline tatouée sur le corps, elle l'a carrément oubliée. Je suis l'as de trèfle qui pique c'est ton cœur. C'est un exercice compliqué. Non, mais c'est exactement, et tout à fait. C'est trop drôle, j'adore ça. La première, je l'avais, mais impossible de mettre le nom dessus. Oui. C'est le gymnastique mental, cette torture. Qui a la quatrième c'est chanson? C'est moi, baby. C'est et moi. C'est parti. Allez, c'est parti. Ouvrez grand vos oreillettes. Je te regarde, garde. T'amuser, zé. et je fais semblant. Blanc. Mais Je suis libertine, Mylène Farmer. Je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi, tu fais de grands gestes. Tu as l'air si content. Tu vois, des fois, fois. Je déteste ce que je ressens. Sans. Ah, attends. Je me sens si loin de toi. Si loin de toi, c'est pas chaud. Pas du tout, Manu. C'est pas si loin de toi. Je ne voudrais dread pas que tu crois, que je t'attends. Je me force à espérer, mais je me mens, Alors, je te regarde t'éloigner tout doucement. Oui, oui. Bibi, tout doucement, c'est non. Pas non. Axel Red, Zazie, non plus. C'est un homme ou une femme qui c'est une femme. Ouais. Donc française. 1999, yes. Femme française. Plutôt une connue? Grande voix. Connue. Axel Red? Non. Non. Elle est belge, Axel Red. Oui, pardon. Alors lui, tu veux nous vexer que ta culture. Si je veux étaler la confiture. Attends, une France. Ouais. La Rousseau? Pas du tout. Non. Merde, non. Alors elle a des cheveux qui veulent. Patricia Cass? Non. Non. Elle a des cheveux comment? Elle a des cheveux un peu longs. Oui, c'est ça. On la voit encore pas mal à la téloche. Hein, oui, comme jury dans Incroyable Talent. Tout à fait, mais t'inquiète pas. Ah, elle est une Ségara. Oui, bonne réponse. Attends, j'ai le quatrième. C'est dans la chanson là. Oh là là, ça. Ah, parce qu'en fait, t'as joué sur les répétitions. J'ai une copine qui l'a chantée en karaoké à longueur de temps. Ça m'a traumatisée. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. On va enchaîner direct avec la cinquième chanson. Allez, Marianne. On va en dans 5 minutes. Et c'est parti. Et cette petite fille qui joue, qui ne peut jamais sourire, il n'y a l'âme. Jamais. Oui. Non. Il n'y a jamais de Bernard. C'est Shaggy. Et qui voit Michel son Berger, le paradis blanc. Alors, c'est Michel Berger, mais c'est pas le paradis blanc. Cette petite fille. Non. Et cette qui s'est construit un empire. Et s'il n'y a pas de pardon, tout le monde. Je veux du bon. Celui-là voudra. Je veux chanter pour ceux qui sont. Excusez-moi, il y a Sue Ellen qui saigne de l'oreille. Hein? Non, je rigole. Et qui sont loin de chez eux. Je vais te compter le point 6 sous parce que l'âme l'a reprise en 1999. Ouais, mais là, elle l'a mis comme quelque Michel Berger. Quelque chose qui fait mal. J'ai adoré. Oh, voilà. Mais génial. Et sa cadence. T'avais quoi comme attention C'était l'animatrice de Photo Forêt. Ah, sa cadence. Allez, on y va. Allez, messieurs, dames, approchez. 3 fléchettes pour 5 euros. Allez. Et j'avoue, j'hésitais entre vous deux. Alors, c'est bien. Voilà, les foraines, bravo. Bonjour à tous les forains. On se retrouve après cette courte pause musicale qui a été choisie par Sarah, c'est Juliette Armanet avec Flamme. J'adore. Jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour toi. metal, jazzy, country, classique, rap, hip hop, psyché, reggae, pop, rock, techno, dancehall, acid, new jack, vous avez toujours une bonne raison d'écouter Fat Jet. Dimanche soir. Ciné dimanche. Ouais, je suis tiraillé entre la joie d'entendre Ciné dimanche et quand mon père me dit allez hop, maintenant c'est au lit. On venait de regarder Benny Hill. On l'a tous vécu ça. Allez hop, au lit. Allez, ouais, c'est triste. Qui a eu cette idée folle un jour de mélanger les chansons? Eh bien, ce n'est pas moi. D'autres se sont frottés à l'exercice bien avant. Je vous propose quelque chose que j'appelle le multiplex. J'ai particulièrement eu un coup de cœur pour Laura Domange et Thomas Barbazan, alias DJ Cheloute et DJ Chelou, dans une émission proposée par nos confrères de chez Radio Nova, les 30 Glorieuses, et on peut écouter un petit extrait. Que nous n'avons pas... Ah oui, c'est vrai que je ne vais pas repositionner. Que nous n'avons pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est les aléas du direct. On va passer à la suite. Ça permettra de passer à la suite. C'était une reprise qui s'appelait Edith Diams. Et donc, ouais. C'était le texte de Diams sur la musique d'Edith Piaf. Vous avez non, génération, non. Voilà. Je remercie d'ailleurs Camilla de m'avoir partagé cette trouvaille qui a éveillé en moi l'envie de tester cette prouesse avec d'autres chansons. Donc le principe du multiplex, je chante le texte d'une chanson sur la musique d'une autre. Vous pouvez chez vous tenter de retrouver les artistes si vous le souhaitez. Et on démarre. Afin de nous ôter tous nos complexes au gué au gué, on nous donne des cours sur le sexe au gué au gué. On apprend la vie secrète des angoissés de la bébête. C'est sa chanson préférée de ma mère. De ceux qui trouvent dégourdis. On l'embrasse. Montrer leur bigoudi. L'institutrice très sympathique nous en explique la mécanique. Et dit nous allons planter tout le décor au gué au gué. Elle s'approche du tableau noir et sans hésiter nous dessine le petit chose ailé, deux orphelines. Zizi, zizi, le vrai, le faux, le bel et le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup. Zizi, zizi, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le Montpellier. Sur le zizi. Magnifique. Mais splendide. Ah, imagine ça dans la bouche d'Hélène Séguin. La chanson, hein, les paroles, évidemment. Zizi, il y en a. Toutes les couleurs au gué, au gué. Des boulangers jusqu'au ramoneur au gué, au gué. C'est dur, j'en ai vu des impulsifs. Qui grimpait dans tous les calcifs. Et vu de moi un vorace dans les godasses. Zizi, zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup. Le grand ridé, le Montpellier, tout sur le zizi. Ça, mais quel talent! Bravo. Alors, à Merci à tous pour Alex, nous avoir accompagnés. Alex, je suis obligée de t'interrompre parce qu'on a un message de ma maman, hein, ta plus grande fan, qui écrit « Merci Catherine. Alex, c'est ma chanson préférée ». On rappelle que Catherine attend le bus. Et bonjour, elle est là, Catherine. Merci maman. Bisous Catherine. Et je trouve que t'as redonné des couleurs aux zizi de Mais oui, mais avec cette interprétation, mais tellement, juste énorme. On écoutait justement, c'était la musique de Lara Fabian. On va écouter Lara Fabian, c'est Maud qui a choisi cette chanson, c'est Je t'ai cherché. On se retrouve juste après ça pour des ressemblances musicales. C'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Vous écoutez Fadjet, il est 10h49 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour le méga Shabbat d'Alex, émission musicale et parfois humoristique. Je vous propose un nouvel épisode de ressemblances en chansons. En effet, depuis quelques années maintenant, je suis très attentif à ce que j'écoute. Certaines musiques me font penser à d'autres, plus ou moins connues. Alors, est-il question de plagiat ? C'est un bien grand mot. Il s'agit parfois d'inspirations involontaires, d'accidents, de maturation, d'idées dans les esprits. Chers auditeurs, auditrices de Fadjet, je vous laisse juger des ressemblances dans les chansons qui vont suivre. Démarrons avec Claude Barzotti, qui a dû inspirer David Hallyday, je pense. Toi, je vous regarde tendrement. Ah, je l'ai celle-là. Mm. Vous avez retrouvé la chanson? Oui. Toi qui m'as tout donné. Tu ne m'as pas laissé le temps. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on écoute David Hallyday. Ah là, il lui a carrément volé ça. Ah ouais. Des accords. Je reste avec mes souvenirs. Ces morceaux de papier. Ah, je crois que c'est morceaux de papier, j'ai entendu. Ah, c'est moi qui ai dit papier. Oui, c'est parce que, en fait, t'étais sur le jeu tout à l'heure avec les petits morceaux que je vous avais donnés. Oui, ça va. Je me suis trompée. C'est Jean-Jacques Yaourt. 17 ans, espace ces deux chansons. Continuons avec un extrait de la BO du film Toy Story en 95. La chanson Étrange Bazar est interprétée par Charles Élie Couture. J'ai toisé le monde depuis ma terrasse. Est-ce que ça vous rappelle un duo des années 70? Oui. Comment il s'appelle? Francis Cabrel. On approche. Stone et Chardin, Peter et Sloan, Francis Cabrel. T'as vraiment chanté Cabrel. Hein, il a chanté Cabrel, mais c'était pas. Ah bon? Ouais. Vas-y. On dirait Cabrel. Vas-y. Ce n'est pas Cabrel. En tout cas, pour moi, la ressemblance, elle est plutôt avec Sheila et Ringo et les gondoles à Venise en 73. Ah. Mais oui. Ah oui, carrément. Ouais. Ah ouais, il y a deux, trois suites d'accords. De toute façon, le maître de l'original. Le printemps chez la Denise. Oh non mais je... C'était pas ça. Chez la Denise. C'est pas la Denise. Printemps sur la Denise. Chez la Denise. C'est la Tamise. Ah c'est la Tamise. C'est bien ça, j'ai pas rêvé. C'est la tante Tamise. Non, c'est bien Tamise. Arrête. C'est la Denise. On m'appelle Jean-Michel à peu près. On fait comme ça, nous arrange. Oh là là là là là, c'est pas possible. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. C'est une chanson de Julien Clerc qui s'appelle Elle voudrait qu'on l'appelle Venise. Et je pense à une collègue qui s'appelle Denise. Elle voulait que j'appelle Denise. Ah oui, génial. Denise FX 342, si tu nous écoutes. Une collègue dans un contexte professionnel, elle n'a pas de pseudonyme. Maintenant, rigolons un peu, rigolons un peu. Quel est le point commun entre les Spice Girls et Chagrin d'amour? Ou plutôt, entre Wannabe et Chacun fait? Ça, c'est l'intro. Alors, je remercie Jérémy qui a trouvé cette ressemblance dans cette mélodie chantée. Ça vous rappelle quelque chose dans Spice Girls après? Ce qu'elle avait fait. Avec ceci. Ah ouais. Ah, tu vois, autant elle est moins évidente celle-là. Oui. Je l'ai pas. Alors, que donnerait la superposition des deux? Sur sa peau bronzée. Ça les banillons qui glissent sur le dos. Tu l'accroches, tu l'achètes. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? J'ai creusé quelques minutes en arrière dans la même chanson et ça peut donner ceci. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je montre le sang. C'est incroyable. Ah, je pense que t'as bien fait de choisir les zizi, ça m'a tout cassé. Elle était bien celle-là aussi, celle-là, parfait. Ouais. Je termine cette chronique avec un remix que j'ai préparé il y a 2 ans et demi, mais que je n'avais jamais diffusé sur les ondes de Fadjet. C'est un subtil mélange de 2 tubes de hip-hop, espacés de 21 ans. Une des chansons date de 1997, l'autre de 2018. La première est de Janet Jackson, Got Till It's Gone. La seconde est d'Aya Nakamura, Jah Jah. Le mélange des deux s'intitule, naturellement et tout simplement, Jah Janet. T'as rien ralenti, t'as tout laissé à la même vitesse. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ça fait du tonnerre, hein, bravo. C'est 1000 fois mieux que la version originale de Ayaka Nakamura. Ça vous a plu? Ah ouais. Oui, génial, on adore. Alors nous allons jouer directement, nous passons à la dernière chronique. Il ne reste plus que 5 petites minutes. Oh, mais 10h54, bloque la porte. Eh bien, je propose de démarrer le jeu. Donc le jeu s'appelle... Attends, c'est après ça. Après, écoute. Ah. 1985. 2025, Fadjet a 40 ans. Et ton bête que t'as préparé quand même. C'est vrai, merci de me rappeler à mon bon souvenir, puisque nous avons préparé tout ça mercredi, avec l'aide de Jean-Luc également. Je remercie Yves aussi, qui m'a laissé ce créneau ici présent dans les studios. Hein. Oui, ici présent. Jean-Luc. Ah oui. Et Jean-Luc. Ah oui, je l'avais pas vu. Coucou, il est à contre-jour de la vitre. Mais il y a plein de monde ici. Il est là partout, c'est tout le temps. Le principe du jeu, c'est presque le même titre. J'ai détourné des titres de chansons en remplaçant les mots par des synonymes, soit par des contraires. À vous de retrouver les titres. J'adore. Attention. Vous connaissez le principe, je vous donne un qui compte pas, c'est mauvais pour le physique. C'est bon, c'est pour bon le moral. Parfait. Tu prends le même. Donc, à chaque fois, tu triches. Premier titre à retrouver, Debout dans le ciel. Assis par terre. Bonne réponse de Manu. Parfait. J'ai dit que j'étais chaud par terre. Chaud dans le monde qui défile. Louise Joseph. Magnifique. Assis par terre. Je te dis que je crache sur mon miroir quand je me lave les dents. Ah mais là, mais je le crois, mais c'est un truc de malade. Du coup, on va finir dans les temps. Il y a aucun souci. Je vais lui fermer son micro. Deuxième titre attrapé le sien. À retrouver. Merci Manu d'avoir ouvert le score. Deuxième titre à retrouver. La mort via formulaire. La vie sur sur prescription. La vie par procuration. Bonne réponse, oui, Hélène. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Devant son poste de télévision. C'est une chanson qui a 40 ans, comme Fadjet cette année. Troisième donc titre. Donc en fait, toutes les chansons, là, elles ont 40 ans? Non, c'est que celle-ci. Assis par terre. Assis par terre, ça date de 2008, précisément. Mmh. Je savais que vous alliez m'attendre au tournant, j'ai préparé toutes ces informations. Troisième titre à retrouver, les rimes de Sardou. Les poèmes De Michel. Bonne réponse merci de vous Sarah. Deux. Ah, merci Sarah. Ah oui. Les poèmes de Michel. Les enfants ont des ailes pour voler, voler. Bravo. Complétez parfaitement toutes les deux. Quatrième titre à retrouver, crêpes parfumées aux agrumes et au grand marnier. Anime, les su- non, les, non les crêpes Suzette, à l'anis. Crêpes à l'anis. Crêpes les sucettes Suzette. À l'anis. Alors, les sucettes d'Annie. Il y a les crêpes. Donc il y a un bout de réponse chez Sarah. Je les répète. Crêpes parfumées aux agrumes et au grand marnier. On les appelle c'est comment? C'est pas crêpes à l'orange, c'est crêpes. Comment on les appelle les crêpes là? Crêpes. Attends, non. Bah non, c'est... les galettes, galettes. Non, c'est crêpes. J'aime la galette. C'est, cette variété de crêpes qui est parfumée aux agrumes et au grand marnier. Comment s'appelle ce type de crêpe? Flambée. Crêpe flambée, crêpe bretonne, non, crêpe. Crêpe Suzette. Oui, oui. Je bah, l'avais envie. Elle l'avait. Suzette. Dany Briand. Merci. Perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzette. Effectivement, Sarah, je l'avais entendu. Je voulais que tu le répètes et j'essaie d'extraire. Tu me fais des signes un peu étranges comme ça. J'avais bien compris. J'avais le mot là en tête depuis tout à l'heure, mais il sortait pas. Non. Allez, on va retrouver juste le dernier titre. Non, c'est l'avant-dernier. On va faire vite. Ne conserve pas ta morve. Ne retiens pas tes larmes. Bonne réponse de morve. Oh larmes, laisse aller ton chagrin. Vous retrouverez Maud au Zénith. Oui, au Nancy Open Air le 27 juin. Et les guichets sont des œuvres. Il va falloir qu'on rende l'antenne rapidement. La dernière, à retrouver. Qui, alors c'est comme d'habitude, tout ce qu'on a gagné, ça compte pour rien. Voilà. Ah, mais c'est toujours comme ça. Et celui qui trouve, il gagne. Ah. Dynastie, oui, oui. Génération. Et on peut connaître. Génération, non, non. Et donc, voilà, c'est déjà à la fin. Quel dommage. Une heure. C'était génial. Les filles, Emmanu, on peut applaudir Alex. Mais parce oui, que c'était génial. Bravo. Mais quel talent. Lève les bras au ciel. Merci, merci tout le monde. Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, on t'aime, on t'adore. Il faut qu'on fasse des pieds et des mains avec la direction pour avoir le droit de faire un Shabbat d'Alex géant. Mais oui. Ah ouais. Ah, mais bon. Oui. Donc pensez à nos auditeurs qui ont perdu pour certains un peu d'acuité auditive. Donc j'ai enfin réalisé mon rêve, pouvoir animer ma première émission comme un grand. C'était un bonheur absolu. Je remettrai ça avec plaisir. Je tiens à remercier de nouveau tous mes camarades autour de la table. Non. Marion, Maud, Sarah, Manu, Suélène. Sans qui cette émission n'aurait même pas la même saveur et sans qui cette émission n'aurait pas fonctionné tout court. En effet, je rappelle que malgré 8 ans d'ancienneté, je suis incapable de gérer ce que j'appelle le cockpit, enfin. Avant de passer le relais à Thierry et Jérôme pour l'émission Discothèque Classique, avez-vous un petit mot à passer en 2 secondes? Oui, joyeux anniversaire à tous les... joyeux anniversaire à Fadjet et voilà, et une belle année 1980. Nous allons entamer la 16e heure de direct. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour la matinale 94.2, service compris. Gros bisous, merci. Bisous, ciao, ciao, merci.